100% francês com Ricardo de Matos. Muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do 100% Francês. Começou esta semana com o respeitadíssimo Daniel Balavoine. O melhor mesmo é não dizer mal deste senhor precocemente falecido, já que vai ser de certeza contestado por qualquer gaulês. Foi L'Aziza, um dos seus últimos trabalhos em 1985. E voltamos a conhecer mais um tema da ópera musical liderada por Pascal Obispo. Chama-se Welcome to the Magic World of the Captain Samurai Flower. E traz desta vez este idealist. Idealist, utopist, humanitaire, non-marcheur. Idealist, volateur, 100% francês. O trabalho deste veterano do rock, Jean-Louis Aubert, ex-líder dos Telefone, aqui há 10 anos atrás, com este Common Accord. Segunda passagem agora no 100% francês para os Paris Brunes, de Pierre Legacy e Aurélie Vito, L'œil du cyclone. Je t'ai rangé dans mes cartons. Je tourne le cou, je tourne. Plié dans un amour papier bleu. Sans toi, je tourne. Je tourne fou. Gandao é um dos muitos residentes do 100% francês, desta vez com este La Nage Indienne, em 2000. E avançamos com mais uma estreia, apesar de já ter falecido em abril de 2007, com apenas 23 anos, ainda estavam dois temas gravados de Grégory Le Marchal para conhecer, um deles é este Je Rêve, faz parte do trabalho Rêve e que junta alguns dos seus melhores momentos. Je rêve d'une terre sereine, là où les gens balancent leurs.

pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir. Faire tous les bruits qu'elle veut. Y'a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir. Com este fantástico La Cabane du Pêcheur, e é de resto uma música já a cheirar a verão, que está quase aí a chegar, vinde, vinde. E foi precisamente Francis Cabrel que reparou e encorajou o próximo convidado. Stéphane Mondineau começou a carreira em 2002 com a autoprodução Je M'en Fous. E agora, sobre a alçada de Francis Cabrel, editou no final do ano passado o álbum Les Vents Tourneront, que inclui este Pauvre Rêveur. Agora em estreia no 100% francês. Marrakech au milieu de la nuit, 14h. On me cherche, j'ai quitté Paris par erreur. Pauvre rêveur, pauvre de moi. Il est 6h. Réveille-toi. Je viens de tirer sur mon taxi, 17h. Amusé, je commande un whisky au serveur. Pauvre rêveur, pauvre de moi. Il est 8h. Réveille-toi. Je marche de ces pas qui manquent. crache au milieu de la nuit, Sacré-Cœur. Je me dépêche, tout rétréci, votre honneur. Pauvre rêveur, pauvre de moi, il est 10 heures. Réveille-toi. Wake up. 100% francês. Je pensais n'aimer personne. Je pensais personne ne m'aime. D'être quitte à ce point-là me laissa sans voix. Même pas le goût de la haine, même pas le goût de la peine. D'être quitte à ce point-là me laissa sans voix. Un bonjour, j'ai tout. Cherche un toit, libre à toi, tu sais, chez moi. Chez moi tu fais comme chez toi. Tout ça nous renvoie au même. À même l'âme on s'entraîne. À force de haine on s'entame. Un beau jour, quand la nuit tombera, je tomberai sur toi. Toi et ton autre toi, on ne se quittera. O tema que acabou de ouvir corresponde precisamente à surpresa da semana. Recuperámos do álbum de 1996 de Nina Morato, Moi-même, Nina Morato, que foi a representante da França no Festival Eurovisão da Canção em 1994 e conseguiu um nada mau de 7º lugar. Segunda passagem agora para um novo nome da música em francês e muito ouvido por esta altura, Genali com Je me perds. Je fais comme si tout était normal, mais derrière mes sourires, mon regard, j'ai mal. Et je doute sans cesse, me délaisse, me déteste. J'ai besoin de me tester, je suis prête à risquer le peu qu'il me reste. Je briserai mes pensées. Je veux tout changer, bousculer ma vie. sourire, mon regard. J'ai mal, j'ai menti. J'aimerais qu'on m'aide, que quelqu'un me tende la main. Même si je suis déjà loin. Je veux tout tenter, je manque d'espace. Je veux tout changer, bousculer ma vie pour mieux respirer. Faire sortir ma rage, je me perds, je me perds, je me perds, je me perds. Je veux tout tenter, je manque d'air pur. Je veux tout changer, bousculer mon cœur pour le faire parler. Libérer mes forces, je me perds, je me perds, je me perds. De leur fenêtre que je dois la boucler. Ils disent que je suis folle, que c'est moi qui l'ai tué, que mes idées s'envolent, que j'ai tout oublié. Moi je sais que c'est faux, pour qu'ils reviennent, je chante haut. Reta final da seleção oficial do 100% francês deste domingo, com este menu um pouquinho envenenado, digamos. Crepe au champignon com Olivia Ruiz. A fresquíssima Jennifer para o final com Le Souvenir de ce jour. www.100%fr.blogspot.com. O 100% francês consigo a qualquer momento e em qualquer lugar. Até já. Dans leur chaleur, le sable sur leurs mains. Livrés au vent qui se meurt, ils fusionnent leur destin. L'homme qui noyait son malheur les croise sur son chemin. Voit dans leurs yeux yeux la lueur et le sourire lui revient. Je ne connais pas la suite, rien n'est sûr, mais je sais qu'il mérite l'innocence d'être sûr. Et qu'importe, ils ont pu toucher un jour. Je m'en souviens. Elle partage sa vie nouvelle avec quelqu'un de bien. Même la nuit dans son sommeil, elle cherche encore sa main. Je ne connais pas la suite, rien n'est sûr, mais je sais qu'il existe un espoir dans le doute. Et qu'importe, ils ont pu toucher un jour. Ils ont pu toucher un jour. Plus que tout, plus que tout, plus que tout.